Le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des idées du Tutsé ont publié le 24 avril une déclaration commune pour féliciter la nouvelle réussite de la Corée Tutsé au lancement expérimental de l'engin balistique à bord du sous-marin stratégique en plongée.